Le taureau bleu de Françoise Mangeot. Œuvre publiée sous licence. Image de couverture Fred Denis. En lecture libre sur atramenta.net. Enregistrée par Christiane Johan pour audiocité.net. Noëlla. Il était une fois, ou bien il n'était pas, c'est à vous de choisir, une fillette qui avait perdu ses parents. Ou bien ses parents l'avaient perdue, allez savoir. Toujours est-il que cette année-là, lorsque Lannick Le Dresen, au retour de la messe de minuit, entra dans la crèche, note, il ne s'agit pas là d'une crèche décorative, mais du nom d'origine communément utilisé pour désigner l'étable ou la bergerie, fin de note. Pour saluer son petit cheptel, comme il est d'usage la nuit de Noël, il entendit un baluchon qui vagissait dans la mangeoire de son taureau bleu. Le temps de revenir, tant bien que mal, de sa stupeur, d'attraper l'objet, insolite en pareil lieu, et de l'amener dans la salle où la Catelle, sa femme, et ses deux garçons l'attendaient pour tremper une écuelle de la soupe qui mitonnait à la crémaillère sur le feu de tourbe, le paquet hurlait vigoureusement famine. Les Le Dresen étaient de braves gens. Certes, ils n'étaient pas riches. Pouvait-on le devenir dans cette région des monts d'Arrée où il faut disputer la terre aux rochers aigus qui percent sa peau et aux tourbières qui mangent sa chair, protéger la basse-cour contre les renards et sauvagines, le maigre bétail contre les loups, et sa pauvre bourse contre la rapacité des propriétaires des terres, le seigneur ou les moines. Ils n'étaient pourtant pas des plus malheureux. Durs à la tâche, courageux et économes, Lannick et Catelle avaient réussi à constituer un petit cheptel. Un peu de volaille pour les œufs, de vaches, noires et blanches, petites et passablement maigres, pour le lait et les veaux, une quinzaine de moutons que leurs garçons menaient paître sur les terres vaines. Note. Terres vaines et vagues. Terres communautaires. Fin de note. Du Yéhoun Hélès, de Roctre et du Don, et de Touraine Cador. Sans oublier un ou deux gorets engraissés des épluchures pour garnir le saloir et enrichir la soupe aux navets. Et surtout, ils avaient leur taureau. Un vrai cadeau du ciel. Né comme par miracle d'une génisse achetée à un fermier de Brasparts, sans savoir qu'elle était pleine. Un beau et robuste taureau à la robe bleue d'ardoise, doux et courageux, travaillant comme un bœuf, et honorant sans défaillance toutes les vaches qu'on lui présentait. Les veaux de Saligné étaient réputés bien au-delà du canton, ce qui permettait aux Le Dresen de monnayer assez bellement les ardeurs de leur taureau bleu. C'est dans la mangeoire de ce taureau bleu, justement, qu'on avait déposé le petit paquet de hardes, propre mais pas luxueuse. Maintenant, dans les bras de la Catelle, le paquet, une jolie petite fille, tétait goulûment un biberon déniché au fond d'un placard et empli prestement de lait tiède coupé d'eau. Ce Noël-là resterait dans les mémoires comme un Noël pas ordinaire. On chercha bien un peu qui avait pu abandonner ainsi ce nouveau-né, mais il s'avéra que nulle fille du voisinage n'avait été en mal d'enfant, et le temps était trop mauvais pour que l'on puisse aller faire des recherches au-delà des hameaux proches. Bon chrétien, et surtout bon cœur, les Le Dresen acceptèrent, sans trop rechigner, la petite créature que le ciel leur envoyait et la firent baptiser Noëlla, ce qui allait de soi. Ils la soignèrent convenablement et ne la maltraitèrent pas. Pourtant, la fillette sut très tôt qu'elle n'était pas une enfant de la maison. Plutôt une petite servante, bien traitée, mais sans affection. Il est vrai qu'en ces temps anciens, et dans ces contrées avares, la vie trop rude n'incitait guère aux épanchements sentimentaux. Ils étaient à peine plus doux avec leurs propres enfants. Les deux garçons étaient plus des commis de la petite ferme que des fils de famille. Seul l'aîné connaissait un traitement de faveur. Remarqué par le chapelain du château proche, il jouissait de la faveur insigne de quelques heures par semaine, à la mauvaise saison, pour aller apprendre à servir la messe, mais aussi à lire, un peu à écrire, et surtout à compter. Un vrai savant, quoi. Noëlla contenta son besoin de tendresse avec les animaux, et tout particulièrement avec le taureau bleu, qui, le premier, l'avait accueilli et réchauffé. Dès qu'elle le pouvait, elle venait se lever contre le flanc chaud de la bête, lui comptant les mille et un riens de sa vie d'enfant solitaire. Le taureau bleu tournait son énorme tête vers elle, et l'hiver soufflait doucement sur les mains et les pieds de la petite pour les lui tenir chauds. Et puis, il y avait l'extraordinaire, la fantastique, la merveilleuse période de l'Avent. Pour Noëlla, ces 4 semaines avant la Noël étaient un paradis. Dès que la maisonnée dormait, la fillette se faufilait dans la crèche et y restait de longues heures à bavarder avec ses amis. Ils savaient tant de choses. Ils étaient si sages, si raisonnables, si gentils. Ils lui apprenaient la vie. Elle ne se lassait pas de les écouter. Quitte à payer sa fatigue, le lendemain, en dormant à moitié sur son ouvrage. Heureusement, à cette période froide et venteuse, où sévissent tempêtes, brouillards et parfois même la neige, les bêtes ne sortaient que rarement, et la bergère se consacrait surtout à son rouet ou au ravaudage du linge, installée dans l'avancée de la salle, entre la fenêtre qui donnait un maigre jour et la cheminée. « Pardon, pardon, vous avez dit quelque chose ? Je n'ai pas compris. » Oui, j'ai bien dit qu'elle bavardait avec ses amis, les bêtes. Comment ça? Pas possible. Ah, vous ne savez pas. C'est pourtant bien connu. Toutes les nuits de l'Avent, du crépuscule à l'aube, les bêtes parlent, comme vous et moi. Mais seuls les enfants et ceux qui ont gardé leur âme candide et leur cœur pur les comprennent et peuvent discuter avec elles. Déjà, en ces temps lointains, ils n'étaient pas si nombreux. Autant vous dire que de nos jours, il n'y a plus grand monde à faire salon dans les crèches. Tout se perd, bonnes gens, tout se perd. Bon, où j'en étais, moi? Le temps passa, quelques années. L'aîné des garçons s'en alla sur les routes avec un oncle pour faire pilawer. Note. De pilou, chiffon, en breton. Le pilawer, les pilawériennes. Chiffonnier, colporteur. Allait de ferme en ferme, de hameau en hameau, ramassant les chiffons pour la pâte des moulins à papier, en échange de vaisselle, de mercerie, de colifichets et rubans, mais aussi transmettant à travers la Basse-Bretagne les nouvelles plus ou moins fraîches, les légendes séculaires et les chansons traditionnelles. Fin de note. Il avait bonne mine, belle voix et langue agile. Sa maigre science l'aidait bien à gérer son commerce. Il ferait sûrement sa route dans ce métier. Le second devenait un bon laboureur et n'avait pas son pareil pour découper la tourbe en belles mottes régulières qui, bien sèches, assuraient la chaleur des foyers. Noëlla, devenue grandette, prenait toute sa part des travaux de la maison comme des soins aux bêtes. C'était une gentille bergère, courageuse au travail, habile à tresser de petits paniers de joncs comme à filer la laine des moutons et à ravauder les nippes. Avec ça, point bavarde, comme le sont souvent les filles, une jolie voix qui chantait clair les cantiques du dimanche, la mine modeste, la taille bien prise et le sourire avenant. Une fois encore, le temps de l'Avent était revenu. Le taureau bleu avait encore fière allure, le poil lisse et les cornes luisantes, mais on voyait qu'il vieillissait doucement. Il était moins vif, moins prompt, il s'endormait parfois tout debout. D'ailleurs, le maître, reconnaissant envers ce serviteur fidèle, le ménageait autant que possible et souvent l'observait sans en avoir l'air, mais le front soucieux. Noëlla avait bien remarqué la grise mine du maître quand il regardait le taureau. Pourtant, ce qu'elle entendit un soir, 3 jours avant la Noël, lui coupa le souffle. L'anique le Dresen, devenant un peu dur d'oreille, parlait haut, même quand il croyait chuchoter. Et ce n'était pas le bois des lits clos en enfilade au long des murs de la salle qui aurait pu empêcher de l'entendre. « Ça me fait peine, » disait-il à sa femme, « mais on ne peut pas le garder. Le fermier du Trahon, en Bottemeur, a élevé un jeune taureau qui arrive à sa maturité. Le nôtre, tout connu qu'il soit, est maintenant trop vieux. Il a raté 2 saillies cette année. Je crains bien qu'il ne rapporte plus rien l'an qui vient. J'ai eu tort de ne pas le vendre à la Saint-Michel. » Le père Corentin m'en a offert un prix encore convenable. J'ai bien envie de toper là. Sinon, il va falloir attendre la foire de printemps. Il vaudra encore moins, et il va coûter en fourrage tout l'hiver. » Dans son lit clos, Noëlla suffoquait, son poing dans la bouche pour ne pas crier. On allait vendre le taureau bleu à la boucherie. Et à vil prix en plus, celui des bas morceaux, à cause de son âge, de sa chair durcie aux travaux des champs. Les larmes l'étouffaient. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on allait l'entendre dans toute la salle. Et puis, elle se calma un peu et réfléchit. Que faire pour protéger son ami? Partir, partir loin, vers le soleil levant, dans ce pays que l'on disait couvert de forêts, des forêts si profondes que l'on ne retrouvait jamais ceux qui s'y aventuraient. Les Pilawériennes parlaient d'abondance de ces forêts magiques, pleines de sortilèges, de fées si jolies qu'on ne pouvait se lasser de les regarder, de magiciens pleins de bonté, de clairières merveilleuses, d'étangs mystérieux dont les poissons sautaient tout seuls dans la poêle, d'arbres aux fruits succulents, de fontaines aux eaux si claires que l'on s'y mirait sans fin. Bien sûr, il parlait aussi des korrigans dont il fallait se méfier des mauvaises farces, et de méchantes sorcières, et de dragons redoutables, et de... Mais si l'on recherchait ainsi le mauvais côté des choses, on ne pouvait rien faire. Et puis, tous ces périls étaient possibles, mais pas inéluctables. La vente du taureau bleu, donc sa mort sous le couteau du boucher, ça, c'était une certitude. Elle se glissa sans bruit hors de son lit clos, s'enveloppa dans sa cape et, soulevant la targette avec mille précautions, rejoignit la crèche où ses amis lui firent fête, comme d'habitude. Avoir la parole seulement 4 semaines par an, c'est bien, mais c'est peu, surtout pour les moutons qui sont de grands bavards. Même en temps ordinaire, écoutez donc un troupeau, sa belle, sa belote, sa grelotte, sa grommelle sans arrêt. De temps en temps, une vache ou l'autre, ou même dans les moments de grande excitation, le taureau bleu lui-même donnait un coup de corne ou de pied dans le mur pour ramener un peu de calme, car on ne s'entendait plus. Même les chats, si curieux de tout écouter, se bouchaient parfois les oreilles des deux pattes pour les reposer. Donc, il régnait dans la crèche un brouhaha pas possible. Noëlla déchaussa ses sabots et les tapa l'un contre l'autre pour attirer l'attention. Et comme il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une mauvaise nouvelle, elle lâcha la sienne, tout de go. Le taureau bleu allait être vendu à la boucherie. Un grand silence s'installa pendant quelques secondes. Puis la Marguerite laissa échapper comme un petit sanglot et le taureau bleu poussa un gros soupir avant de prendre la parole. « C'est la loi de nature, fillette. Dès que nous ne sommes plus capables de remplir notre office, il nous faut laisser la place. C'est ainsi. Mon temps est venu. » Tout le monde protesta vigoureusement, dans un débordement inaudible de raisons variées, jusqu'à ce que la voix claire de Noëlla retentisse au-dessus des autres. « Eh bien, je ne suis pas d'accord. Puisque l'on ne veut plus de toi ici, je ne veux pas rester non plus. Nous partirons. » Il se fit alors un grand silence. Tous les animaux, pensifs, baissaient la tête. Partir ? Pour aller où ? Dehors ? Loin de la ferme, loin de cette crèche, c'était l'inconnu effrayant, le grand froid de l'hiver, les prairies gelées ou inondées, les montagnes arides, les forêts inhospitalières, les loups féroces. Seul le taureau bleu approuva. « Tu as raison, jeune fille. Nous partirons tous les deux la nuit prochaine, parce que c'est notre destin. Pour moi, c'est la fin de ma vie. Pour toi, c'est toute la tienne qui s'ouvre devant toi. » Le lendemain fut une dure journée. En plus de ses tâches habituelles, Noëlla fit secrètement son maigre baluchon, pas beaucoup plus gros que celui qu'il empaquetait lorsqu'on l'avait trouvé dans la mangeoire. Tenaillée de remords, mais résolue, elle déroba quelques provisions, du pain dur, un peu de lard fumé, un saucisson, consolida ses sabots avec quelques lanières de vieux cuir, et retrouva, abandonné dans un coin des communs, un vieux pain-base. Note, bâton à tête. Il semble que l'on n'ait pas tranché si l'on parle de la tête, extrémité arrondie, de ce solide gourdin de la taille d'une grande canne, ou de la tête que l'on pouvait fort bien casser avec lui, probablement des deux. Fin de note. Qui pourrait être utile en cas de mauvaise rencontre. Elle oublia ses réticences lorsqu'à l'heure du coucher, le maître annonça que l'affaire était faite, et que Corentin le maquignon viendrait chercher la marchandise le lendemain de Noël, soit dans 3 jours. Dans 3 jours, il serait loin. Après le souper, le temps lui parut interminable. Le garçon ronflotait déjà dans le lit du bout. La maîtresse, qui avait souvent le nez bouché, faisait entendre son petit sifflement habituel, mais le maître tardait à s'endormir. Il tournait et tournait encore, faisant crisser sa paillasse de balle d'avoine et se raclant la gorge. Peut-être avait-il plus de regrets qu'il ne l'avouait de condamner ainsi son vieux serviteur. Enfin, quand son sonore ronflement envahit la salle, Noëlla put s'esquiver. Son cœur était lourd lorsqu'elle referma soigneusement la porte derrière elle. Elle avait toujours vécu ici, entre cette salle commune, la crèche et les pâtures. La vie y était dure, mais c'était là tout son univers, et elle ne savait pas vers quoi elle s'en allait. Elle essuya une larme et résolument entra dans la crèche, étrangement silencieuse. Les animaux étaient soucieux. Aucun d'eux n'avait le courage de se joindre à l'expédition. Ils en avaient un peu honte. Mais ils étaient surtout tristes de voir partir leur ami, le doux et sage taureau bleu, et la petite bergère qui savait si bien les soigner. Ce fut un pénible moment. Il fallut abréger les adieux. Le grand voyage. Il faisait grand froid, un froid sec, arrivé tard dans la saison, après une longue période douce et pluvieuse. Ainsi, les loups n'avaient pas encore eu le temps de manquer de proie. Nos voyageurs ne risquaient donc pas trop d'être attaqués. Pour le moment, ils étaient en terrain découvert, en lande rase. Les courtes tiges des bruyères et des ajoncs nains, durcies par le gel, craquaient sous leurs sabots. À l'horizon, des masses sombres se découpaient sur un ciel presque clair. Les forêts qu'ils devaient gagner pour s'y fondre et s'y cacher. Ces forêts que l'on disait magiques, à la fois redoutables et merveilleuses. Ils marchaient vite, poussant devant eux les petits nuages de vapeur qui sortaient des naseaux du taureau bleu, des narines de la fillette. À l'aube, quand on découvrirait leur fuite, ils seraient trop loin pour qu'on les rattrape. Ils marchaient sans se dire un mot, tendus vers leur but, soucieux de ne pas perdre de temps. Lorsque Noëlla, les jambes raides de fatigue, buta pour la troisième fois sur un caillou ou une touffe d'herbe gelée, le taureau bleu lui proposa de monter sur son dos. Fière et obstinée, elle refusa tout net. Ils marchaient, le ciel s'était voilé de nuages, la ligne d'horizon avait disparu et quand, enfin, la prime aube apparut, ils virent qu'ils étaient maintenant tout proches de l'orée de la forêt. Une forêt aux arbres serrés, noirs, plus noirs que les dernières noirceurs de la nuit. Une forêt immense, aux arbres drus, dressée devant eux comme un mur, et dont ils ne voyaient pas les limites, s'étendant à droite et à gauche aussi loin que portait leur regard. « Écoute bien, petite fille, car dans 5 minutes, je ne pourrai plus te parler jusqu'au crépuscule, » dit le taureau bleu. « Dès que nous nous mettrons en route, tu t'installes sur mon dos. Non, ne proteste pas, c'est ainsi. Quoi qu'il arrive, tu n'en bouges pas. Et surtout, surtout, tu ne touches à rien, même pas du bout d'un doigt. C'est promis ?» Impressionné par le ton inhabituellement autoritaire de son ami, Noëlla promit. Le taureau bleu parut satisfait. Ils pénétrèrent dans la forêt. Les arbres, étroitement serrés les uns contre les autres, s'écartèrent pour leur laisser libre un étroit sentier. Le taureau bleu s'arrêta. « Il faut d'abord nous reposer un peu. La route sera l... » La parole mourut sur son mufle. Le jour était levé, bien qu'il fût presque impossible de s'en rendre compte dans la pénombre verdâtre qui régnait. Épuisé, Noëlla s'allongea sur une mousse épaisse et douce contre le flanc de son ami et s'endormit en quelques secondes. Ce qui fut heureux, car elle n'entendit pas les arbres se murmurer les uns aux autres des choses incompréhensibles à quiconque. « Bah, allez-vous dire, c'est là chose bien ordinaire. Qui n'a pas cru entendre une sorte de langage dans le bruit du vent, dans une forêt ? Certes, mais nul n'a jamais vu des arbres se déplacer sans bruit, se pencher vers les autres, comme pour se parler à l'oreille, et surtout venir à la queue-leu-leu se courber jusqu'au sol pour regarder avec curiosité une jolie fillette endormie sur la mousse. Mais passons, tant que l'on n'a pas vécu semblables expériences, il est facile de douter. » Le taureau bleu laissa Noëlla se reposer un bon moment, mais il leur fallait poursuivre leur chemin, aller vers leur destinée. Ils repartirent, l'une sur le dos de l'autre. Le sentier sinueux déboucha sur une clairière avenante et fleurie, au pied d'une paroi rocheuse. Tombant du haut des roches, une source d'eau claire emplissait une vasque de pierre, où des oiseaux multicolores buvaient et se baignaient. D'autres gazouillaient dans les arbres. C'était ravissant. Noëlla battit des mains et, dans son émerveillement, oubliant sa promesse, sauta à terre pour courir à la source. Instantanément, la clairière, les oiseaux, les rochers, la source disparurent. Il fit froid. Il fit sombre. Les arbres noirs et drus encadraient à nouveau l'étroit et sinueux sentier. Noëlla, un peu effrayée et surtout honteuse de son étourderie, remonta sur le dos de son ami. Ils repartirent. Mais les arbres changeaient. Ils devenaient jaunes, d'un jaune sombre et profond, avec d'inquiétantes luisances. Leurs feuilles pendaient lourdement et le vent léger y faisait naître un frisolis métallique. Noëlla pensa au balancier de la vieille pendule qui rythmait le temps dans la salle de ferme, coincée entre deux lits clos. Du cuivre. Ces arbres avaient des feuilles de cuivre. Subjuguée, elle tendit la main et effleura une feuille. Il y eut un coup de tonnerre, aussitôt suivi d'un abominable hurlement. Le sentier s'élargit d'un seul coup, les arbres de cuivre s'écartant brusquement pour faire place à un énorme loup gris, arc-bouté sur des pattes puissantes, bavant et grognant, la gueule ouverte sur des crocs effrayants. Le taureau bleu poussa Noëlla hors du sentier d'un léger coup de hanche et se carra sur ses pattes, tête basse et les cornes en avant. La bataille dura longtemps et fut terrible. Pour Noëlla, utiliser le penbase, inutile même d'y songer. Appuyée contre un tronc de cuivre, un poing dans la bouche, elle se mordait cruellement à chaque blessure sanglante que recevait son ami. Mais celui-ci, se sentant faiblir, rassembla ses forces et d'un coup de corne creva un œil de son attaquant, qui disparut comme s'il n'avait jamais existé. Il se fit alors un grand silence. La forêt était paisible et avenante. Des oiseaux chantaient. Noëlla sanglotait. L'animal gisait au sol. La situation était grave. Mais, courageuse, elle voulut agir. Déchirant une manche de son caraco, elle tenta d'étancher le sang des blessures du taureau. Avec stupeur, elle s'aperçut que ses blessures cicatrisaient lorsque ses pleurs tombaient dessus. De joie, ses larmes redoublèrent et le taureau retrouva sa belle robe bleue ardoise. D'un coup de langue expressif, il la remercia, se releva et baissa la croupe pour que la fillette pût se jucher sur son dos. Le sentier était facile, longeant un joli petit ruisseau qui jouait sur des pierres blondes et grises. Les arbres familiers, sveltes châtaigniers, merisiers gracieux, vieux chênes noueux, hêtres généreuses en rejets à fagots. Des mousses moelleuses, égayées çà et là de champignons aux vives couleurs, rendaient la marche aisée. Ils burent à une source cascadante, le taureau bleu brouta une prairie d'herbes tendres, des murs oubliés, des nèfles blettes à point complétèrent les maigres provisions de Noëlla. Ils repartirent encore. Et le temps changea. Le ciel clair se teinta d'un gris bleu d'orage, le terrain se fit plus chaotique. Les arbres, plus denses, prirent d'étranges formes et une couleur gris d'argent, de l'argent comme la timbale, cadeau de baptême du maître qui y tenait comme la prunelle de ses yeux et que la catelle sortait tous les mois du vaisselier pour la stiquer. À nouveau, un bruit étrange de métal heurté, froissé, emplissait la forêt. Noëlla, sur le dos du taureau bleu, les yeux agrandis de stupeur, oubliant tout, tendit une main tremblante vers un bouquet de feuilles d'argent qui semblait s'offrir à la cueillette. Le coup de tonnerre qui s'ensuivit la jeta à terre. Un rugissement épouvantable résonna dans toute la forêt qui s'ouvrit pour laisser passer, dans un galop furieux, un énorme animal roux, doté d'une crinière noire exubérante, de crocs gigantesques et de griffes monstrueuses. Un animal comme Noëlla n'en avait jamais vu, sinon elle aurait pu reconnaître un lion. Le taureau bleu eut à peine le temps de se mettre en garde. La bête féroce attaquait déjà avec une vélocité habile et cruelle, une force démoniaque. Coups de pattes, coups de dents, contre-coups de cornes et coups de sabots, le combat fut sanglant, barbare. Faisant appel à toutes ses forces et à toute son expérience, le taureau bleu réussit sa botte secrète, la corne droite dans un œil de l'ennemi. Et cette fois, d'un ultime effort, il réussit à doubler son coup et à crever l'autre œil. Le lion disparut, l'accueillante forêt reprit sa place. On n'eût pu croire que rien ne s'était passé sans les cruelles blessures du taureau bleu. Le pauvre animal gisait sur le flanc, haletant de fatigue et de douleur. Noëlla pleurait, pleurait de peur, de compassion, mais aussi de remords. Elle avait encore trahi sa promesse de ne toucher à rien. C'était sa faute si son courageux ami était dans cet état. Et même si ses larmes avaient le pouvoir de le guérir, il avait terriblement souffert à cause d'elle. Le jour avait baissé, c'était le crépuscule. « Ne pleure plus, » dit gentiment le taureau bleu. « Je ne t'en veux pas, tu es si jeune encore. Regarde, il y a là, juste à côté, une vieille cabane de bûcherons. Nous allons y passer la nuit, nous reposer, et nous reprendrons notre route demain au lever du jour. Mais n'oublie pas, n'oublie plus tes promesses. » Car demain, à l'aube, je redeviendrai muet pour toute une année. » Ainsi firent-ils. La cabane les accueillit sans encombre. On raconte qu'ils ne restèrent pas seuls bien longtemps et qu'une jolie lune toute ronde et souriante éclaira bientôt une belle assemblée de tous les animaux de la forêt, qui bavardèrent à perdre haleine, à perdre la voix. Un peu plus tard, on entendit dans les lointains des cloches qui sonnaient joyeusement, appelant à la messe de minuit. Noëlla chanta quelques cantiques qui parlaient de Noël, de l'enfant, de joie et d'amour. Elle pensait à la ferme Le Drézen, à la chapelle du château où la famille était sans doute en ce moment. Comme tout cela lui semblait déjà loin, avait-elle eu raison de se lancer dans cette aventure pour sauver son ami? Pour lui, pour sauver sa vie, ou pour elle, pour changer la sienne? De quoi demain serait-il fait? Le taureau bleu devina sans doute ses pensées, car il souffla amicalement sur ses doigts comme il l'avait fait si souvent. Ils dormirent quelques heures, s'éveillèrent avant l'aube. Le taureau bleu semblait remis de ses combats, quoique peu fringant. Certes, il n'était pas tout jeune. Gêné par sa vêture et voulant y mettre un peu d'ordre, Noëlla fut stupéfaite de découvrir que ses vêtements étaient devenus trop petits. Si sa vieille blaude, informe, la couvrait encore à peu près convenablement, ses côtes lui arrivaient bien au-dessus des chevilles, et les coutures de son caraco étaient toutes craquées. Si ses vêtements avaient rétréci, ses cheveux avaient poussé et ne tenaient plus dans son bonnet. Renonçant à éclaircir ce mystère, elle en fit de grosses nattes. Sans perdre de temps, il fallait repartir. Mais le problème devint crucial avec ses sabots, où ses pieds ne voulaient plus entrer. Cela fit rire le taureau bleu qui, pour ses dernières paroles de l'année, la plaisanta. « Tu grandis, ma belle, tu n'es plus une enfant. Sans sabots, au moins, tu ne te risqueras guère à descendre de mon dos pour gambader dans les bois. » Le temps était toujours clair et doux. Les arbres verdoyants portaient des fleurs et des fruits. L'herbe était abondante, les mousses épaisses. Cette forêt ne semblait connaître qu'une seule saison, clémente, sans que l'on sache exactement laquelle. Ils cheminèrent ainsi longtemps. Noëlla, bercée par le pas du taureau bleu, somnolait vaguement, quand une musique, encore lointaine, la réveilla tout à fait. C'était un air joyeux, comme un tintement de clochette. Elle pensa aux clarines d'un troupeau, mais le son était plus vif, plus argentin, et constituait une véritable musique harmonieuse. Et au loin du chemin, toute la forêt s'inondait d'un grand soleil de plein été. Il n'y avait pas plus de soleil qu'ailleurs, mais les arbres illuminaient tout. Les arbres brillaient, rutilaient, comme l'ostensoir que le chapelain du château, pendant la messe, avant la communion, tendait aux fidèles prosternés. Noëlla, comme tous les enfants, avait maintes fois réussi, en tordant le cou, à regarder l'objet sacré où se cachait le bon Dieu, cet objet qui luisait aux flammes des cierges. Ils entraient dans une forêt d'arbres d'or. Les feuilles d'or s'entrechoquaient entre elles, au gré du vent léger, en produisant une musique plus agréable encore que celle du vieil harmonium de la chapelle. Et comme elles étaient jolies! Tentatrices, elles semblaient s'offrir, tournoyantes au bout de leurs tiges, se penchant très bas vers les deux passants, lançant des éclairs dorés. Mais Noëlla, stoïque, ne bougeait pas, les deux mains accrochées fermes à un repli de la peau de sa monture. Plus jolie encore que les deux précédentes, cette forêt était certainement encore plus dangereuse. Ils avaient l'impression de marcher dans la forêt d'or depuis des heures. Noëlla sentait sa tête tourner. Ses mains crispées lui faisaient mal, elle aurait voulu fermer les yeux, mais une force inconnue lui maintenait les paupières ouvertes. Pour penser à autre chose, elle se mit à chanter. Un cantique de Noël. N'était-ce pas l'heure de la grand-messe dans toutes les églises du monde chrétien? Ganed Rezus, Noël, Noël, et Rustet Var Handuar, Dan Edelec, Guel Santel, Ganon Pedazoué, et Gloar. Note. Jésus est né, Noël, Noël, c'est le bonheur sur la terre. Pour la sainte fête de Noël, chantons la gloire de Dieu. Fin de note. La musique des feuilles s'ajusta à son chant dans un accompagnement si beau que les larmes lui vinrent aux yeux, brouillant sa vision plus encore que les rutilants reflets de la forêt d'or. Quand elle termina le dernier couplet, le taureau bleu s'arrêta. Ils étaient sur la place carrée d'un village bien propret. Tout le peuple du village, au grand complet, jusqu'au dernier poussin fraîchement éclos, était là, entourant le conseil de fabrique de la paroisse. Le recteur et son bedeau attendaient sous le porche de l'église de Belle-Pierre. Ce n'est pas tous les jours qu'une jouvencelle sort indemne des trois forêts enchantées. Quand un jeune homme, de svelte prestance, au visage avenant, s'avança vers elle, poing tendu, pour l'aider à descendre de sa monture inattendue, Noëlla rougit de honte de ses pieds nus, ses pauvres habits sales, déchirés, et surtout trop petits, dénudant sans vergogne ses mollets et ses bras. Elle aurait voulu disparaître sous terre, mourir, là tout de suite, sous les yeux de tous ces gens. Mais le garçon, immobile, attendait qu'elle se décide. C'est alors qu'elle vit ses pieds pendant sur le flanc du taureau. Elle en resta la bouche ouverte. Sous une ample jupe de velours vert forêt, deux bottines de cuir souple chaussaient deux pieds menus. Une veste cintrée du même velours soulignait une taille fine et souple, et un coquet-chapeau de feutre noir, agrémenté d'une plume de faisan, laissait couler sur son dos les deux épaisses nattes de cheveux bruns faites le matin même. Sidérée, Noëlla posa la main sur le poing du jeune homme et son regard bleu de mer se perdit dans deux yeux d'un brun chaud, si chaud. Le taureau bleu pouvait maintenant se reposer, encore quelques années peut-être. Et la suite est une autre histoire. Fin de Le taureau bleu de Françoise Mangeot.